Lulu, sous des petits airs pointus, tu me piques et tu m'endors. Mais cela bien après l'aurore, tu m'exaltes et tu m'envoûtes, j'en perds mes pompes sur la route. Lulu, avec ta voix quand j'ai trop bu, quand je peux atteindre le paradis, qui ne commence pas comme on se l'était appris, tu transes et je danse, la guitare au bout des doigts, et quelques pluies de larmes sur un morceau de bois. Lulu, quand jugeais sur le corbeau invaincu, on leur mettait bien avant le geste les doigts d'honneur à ceux qui retroussent leur veste. Tu chantes et je gueule, peu importe les saisons, les jours ne sont jamais trop longs pour crier mort au con. Lulu, avec tes fleurs perchées au nu et ton visage taillé dans les larmes, qu'on sait que tu as vécu et que ton cœur est devenu une arme pour trancher la mélancolie, pour boire à pleines dents la vie. Alors Lulu, je t'en prie, vis.